Chapitre 4. Le lendemain, Léopold annonça qu'il allait s'occuper de la libération de Zilber. Devant Louis, il commença par appeler le capitaine de gendarmerie commandant le camp de Drancy. « Oui, c'est pourquoi, » lui répondit-on. À l'intention du correspondant, il comprit immédiatement qu'il était tombé sur un gendarme français. Intentionnellement, il prit un accent allemand déplorable. « Hauptsturmführer Müller, à l'appareil. Je désire parler au commandant, bitte. » « C'est à quel sujet ?» fit l'autre d'une voix flûtée. « Cela ne vous regarde pas, sinon je vous l'aurais dit. Passez-moi le capitaine commandant le camp. C'est un ordre. Schnell, verstanden ?»« Oui, tout de suite, » répondit le gendarme penaud. Quelques minutes plus tard, un correspondant éclaircit sa voix et demanda « Herr Major Müller, excusez-moi, j'étais à l'autre bout du bâtiment. Que puis-je pour vous ?» Léopold lui expliqua que sur ordre du Sturmbannführer Bömmelburg, il devait venir chercher deux médecins prisonniers dans son camp. Le capitaine de gendarmerie lui demanda alors les noms des prisonniers, mais Léopold refusa de les lui donner. « Je vous les donnerai sur place. Il faut que je recherche et où je les ai notés. » Intrigué, Louis demanda à Léo la raison de son refus. « S'il connaît les noms, il est foutu de les mettre à l'ombre et de nous raconter qu'il ne les a pas trouvés. Soit il va me proposer de les amener directement à Bömmelburg pour faire de la lèche. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables, ces Pandores. Il faut que tu nous accompagnes pour assurer Zilber et le convaincre. Le convaincre, tu plaisantes? Pas du tout, mais une tenue de campagne de Hans, avec un casque et une mitraillette. Tu passeras pour un bidas. » Parvenus à la barrière du camp, fait de bois et de barbelés, ils furent arrêtés par un gendarme français qui demanda au plus gradé son identité et l'objet de sa visite. Léo lui répondit simplement qu'il avait rendez-vous avec le capitaine commandant le camp. Après avoir porté la main à son képi, le gendarme fit ouvrir la barrière et ils pénétrèrent dans la place. Là, un autre gendarme vint les accueillir. Sur la demande de Léo, il les fit pénétrer dans le camp proprement dit, proprement étant ici employé au sens figuré, malheureusement. Il était constitué de trois bâtiments de quatre étages formant un U et délimitant une vaste cour lugubre, sans un arbre, dans laquelle se déplaçaient lentement des gens, sans but apparent, à la manière de chiens errants cherchant une pitance. L'homme les conduisit dans un local du rez-de-chaussée, sentant le moisi, le tabac froid, avec un effluve de vieil oignon par là-dessus. C'est fou, comme tous les corps de garde dégagent le même fumet. Après un salut réglementaire, auquel ils répondirent par un Heil Hitler, le capitaine serra cordialement la main de Léo. Ayant lu les noms et prénoms des Zilber, l'homme les guida dans les étages d'un bâtiment. La cage d'escalier était encombrée d'enfants en haillons, certains bramant comme des sourds, d'autres accroupis contre les murs et baignant dans leurs fanges. « C'est la dysenterie, » leur expliqua le capitaine. « On n'arrive pas à s'en débarrasser. » Louis se mordit la langue pour avaler les commentaires qui lui montaient à la gorge en tant que médecin. La plupart des logements n'avaient pas de porte et certains pas de carreaux aux fenêtres. Les remugles traînant dans les couloirs étaient insupportables. « Ce sont les amis du commandant ?» interrogea le capitaine en montrant le papier. « Pas du tout, ce sont ses médecins. Il souffre de coliques hépatiques et il a en ce moment une grosse crise. « Ah, je comprends, » fit le capitaine en hochant la tête. « Voilà, nous allons arriver au service du docteur Drucker. »« C'est un gradé ?» demanda Hans. « Pas du tout, c'est un juif. » Toute l'administration du camp est assurée par des juifs, supervisée par un commandant également juif, le colonel Robert Blum. Nous obtenons de bien meilleurs résultats que si nous nous en occupions nous-mêmes. Finalement, il s'arrêta devant la porte d'un appartement dont on avait dû faire tomber les cloisons pour l'agrandir. Le long des murs étaient alignés des lits sur lesquels vagissaient faiblement des adultes et des enfants. Autour d'eux, des hommes et des femmes prodiguaient des soins. Un pansement ici, sur un ulcère varicueux, une piqûre là, dans la fesse d'un enfant qui n'avait même plus la force de se plaindre. Louis enleva son casque. Il brûlait de leur donner un coup de main. Simon et Olga étaient parmi eux, le visage attentif penché sur les malades. Soudain, Zilber releva la tête et aperçut Louis. Surpris de voir sa fiole et son uniforme, il ouvrit la bouche comme un simplet. Louis eut juste le temps de lui faire signe de se taire à l'insu de tous les autres. Simon chercha le regard d'Olga, le trouva et lui fit comprendre d'un simple éclat de l'œil qu'il fallait se taire. « Simon Zilber ? Olga Zilber ?» interrogea le capitaine à voix haute. Sans se presser, Olga et Simon se placèrent devant le capitaine. « C'est nous ?» fit Simon à voix basse. À ce moment, Léo prit le capitaine à part dans le couloir, et après avoir échangé quelques mots, le gendarme se rendit dans l'appartement suivant. Léo prit alors Zilber par le bras et le fit sortir avec Olga. Ils se rapprochèrent étroitement pour pouvoir parler plus bas. « Qu'est-ce qui se passe, Louis ? Nous aimerions comprendre. » Louis présenta rapidement Léo et Hans et expliqua le plan échafaudé pour les faire évader tous deux. « Mais je n'ai jamais soigné ce Bumbleburg, » s'exclama Simon. « Mais je le sais bien, idiot. C'est un prétexte pour vous faire sortir de là. Et on ira où ? Eh bien, on vous cachera. Et puis on trouvera bien une solution. L'important, c'est de s'évader d'ici. Après, on verra. Allez, ne traînez pas, venez. Attends, Louis. » Simon et Olga avaient la tête baissée. Ils semblaient tous de réfléchir profondément. Ils ne se parlaient pas, mais échangeaient des regards. « Non, » finit par dire Simon, « je crois que nous allons rester. »« Comment vous allez rester, et votre fils David ? Je lui ai promis sur mon honneur que je vous libérerai. Vous savez très bien que vous pouvez partir pour les fours d'un moment à l'autre. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fou ?»« Simon, pense à David, vous n'allez tout de même pas abandonner votre fils. Mais nous ne l'abandonnons pas, puisqu'il est avec toi, Louis. » Il sera plus heureux auprès de vous, Odette et toi, qu'avec nous, toujours en fuite à vivre dans la peur et l'angoisse. Louis, dit Olga, tu as prêté serment comme nous. Regarde la souffrance qui nous entoure. Notre place est ici, à essayer de soulager la douleur et sauver des vies, même si... Si je pars, je n'oserai plus jamais me regarder dans une glace. Essaie de comprendre. David sera comme ton fils, je le sais. Et puis, imagine que nous soyons repris, et cette fois avec lui. Qu'est-ce que nous aurons gagné, tu veux me le dire ? « Olga a raison, » renchérit Simon. « David n'est pas seul, tandis que ceux-là, » fit-il en montrant les gosses grabataires. « Tu veux que je les extermine tout de suite ?» Olga plongea ses yeux dans ceux de Louis. Son regard était le même que celui qu'elle lui avait lancé quand ils s'étaient séparés, quelques jours avant qu'elle n'allât vivre avec Simon. « N'insiste pas, » signifiait-il dire, « c'est sans appel. » Elle ajouta, seulement pour Louis, « Tu dois t'occuper de David, après un gros chagrin. » Il finira par être heureux avec Odette et toi. Léo était tout décontenancé. Qu'est-ce que je vais raconter à Bumbleburg, moi ? Dites-lui que je vous ai donné le nom d'un confrère qui le soignera mieux que moi, mieux que nous, ajouta-t-il. Se disant, il sortit de sa poche un crayon et un bout de papier et griffonna un mot. Ça, c'est le nom du confrère. Le reste, c'est pour David. Il est intelligent et a déjà un grand sens du devoir. Il comprendra. Allez maintenant, partez. Et nous vous remercierons éternellement pour les risques que vous avez pris. Alors qu'ils allaient s'éloigner, Olga prit le bras de Léo. « Attendez, Herr Major. Vous pouvez tout de même nous venir encore en aide. Nous manquons de tout ici. Il nous faut de la pénicilline, des vaccins, des pansements, de l'aspirine, des médicaments de première urgence. Essayez de les faire passer à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui nous les distribuera. » Le capitaine de gendarmerie revint juste à propos, étonné de l'absence du couple. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne me dites pas qu'ils se sont échappés. » « Non, rassurez-vous. Regardez, ils sont toujours là. »« Eh ben, et alors ?»« Alors, ils ne veulent pas venir. » Zilber m'a donné le nom d'un de ses confrères bien plus efficace que lui. Il préfère soigner les prisonniers. « Tant pis pour eux !» s'exclama le capitaine. Dans le couloir, les prisonniers présents se plaquaient contre les murs, plus par dégoût de toucher les uniformes que par peur. Louis fermait la marche et soudain, une douleur lui déchira le mollet. Un vieillard lui avait balancé un grand coup de pompe dans la jambe. Il regardait Louis droit dans les yeux, son regard exprimait le défi et la haine. Qu'allait faire Louis ? Le vieux finit par lui tirer la langue et partit d'un grand rire de fou. Louis rejoignit les autres en boitillant sur les premières foulées. Comme un écho à cette agression, un hurlement déchira le bâtiment. On y décelait toute la rage et le désespoir qui devaient étreindre ceux qui pouvaient encore ressentir quelque chose. « Il y en a beaucoup qui deviennent fous », leur précisa le gendarme. Pendant le trajet du retour, aucun des trois hommes ne parla. Louis était littéralement anéanti par la dimension humaine que venait de prendre le couple Zilber dans son cœur. Pas étonnant qu'Olga l'eût largué en son temps. Elle avait déjà compris qu'il ne serait jamais capable d'un tel charisme et d'une telle abnégation. Louis n'était juste qu'un petit bon à rien de bourgeois, alors que la conjoncture demandait des hommes d'une autre dimension que la sienne. À moins qu'il ne trouvât une nouvelle voie, un nouveau sens à sa vie, c'était urgent. Odette avait guetté leur retour et les attendait sur le palier. Son regard fouilla la cage d'escalier à la recherche des Zilber. « Alors, » fit-elle, anxieuse, « ça n'a pas marché ?»« Si, » répondit Léo, « ça a très bien marché pour ce qui est de nous. Le plan était parfait. »« Simon et Olga n'ont pas voulu venir, » laissa tomber Louis. « Comment ?» s'exclama Odette. « Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui leur a pris ? Ils sont devenus fous ?»« Non, au contraire, ils sont extrêmement lucides, beaucoup plus lucides que nous. Eux sont en plein dans la réalité, tandis que nous jouons encore au pied-nickelé. » « Tu vois, Louis, » reprit Léo, « j'avais pressenti cette réaction, et pourtant je ne connais pas ton copain Zilbor. Nous n'avons pas réussi à les convaincre, parce que c'était absolument impossible. On ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. » « Mais alors, ils ont décidé volontairement d'abandonner leur fils. Entre des inconnus et leurs propres enfants, ils ont choisi de venir en aide à des inconnus. Ils ont sacrifié leur fils. C'est ignoble, » vociféra Odette. « Arrête immédiatement. Ne dis pas n'importe quoi. David n'est pas sacrifié. David n'a pas besoin qu'on lui vienne en aide. David n'est pas abandonné. David nous a nous. Les autres n'ont personne. Les autres vont mourir de faim, de maladie, dans des angoisses et des souffrances atroces. Tu peux le comprendre, ça ?» Louis termina sa harangue dans un sanglot. Léo et Hans craquèrent également. Odette, brisée, se laissa tomber sur une marche, la tête dans les mains. Désespérante matinée. L'après-midi s'étira interminablement, gluant comme un long cauchemar. Louis essaya vainement de s'intéresser aux pathologies de ses patients et à ce qu'ils lui disaient, mais c'était insipide, vain, rien pour le sortir de sa torpeur morale. Aucun d'eux n'était intéressant ni sur le plan médical ni sur le plan humain. Ah, sa pratique de la médecine était bien loin de ce que vivaient en ce moment les Zilbor. « Madame Mathieu, si les topinambours vous donnent des gaz, n'en mangez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»« Monsieur Sevin, vous n'avez rien, ou plutôt si. Vous avez attrapé une maladie incurable, la vieillesse. »« Madame Cazal, vous avez des crampes d'estomac. Vous savez que vous n'êtes pas la seule en ce moment. » Les trois quarts des Parisiens souffrent du même mal. En fin d'après-midi, Louis eut enfin une petite consolation. Une brave dame de 80 ans dont la thyroïde commençait à s'affoler sérieusement. Elle était très fatiguée, mais ne se plaignait pas et écoutait tout ce que lui disait Louis avec un vague sourire. Enfin une vraie pathologie. Il avait presque envie de la prendre dans ses bras pour s'épancher dans son giron. En plus, il lui fallait maintenant affronter le drame de David. Comment lui faire comprendre ? Simon le disait très mûr, boire. Louis, à son âge, n'aurait certainement pas accepté une telle situation. Depuis le couloir, il entendait la voix de Léopold qui lui faisait un grand sermon. « Moi, je n'ai pas trahi la promesse que je t'avais faite, David. Si tes parents l'avaient voulu, ils seraient là, maintenant, avec toi. Mais ce sont des héros. Tu dois être fier d'eux. Si tu savais dans quelles conditions vivent les enfants du camp, tu comprendrais qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour en sauver le plus grand nombre. » « À quoi ça sert, puisqu'après vous les mettez dans des trains, on ne les revoit jamais plus ?»« C'est vrai, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Et moi, il n'y a qu'à me mettre aussi dans un train. Je peux mourir aussi, c'est ça ?» fit David en reniflant. « Comment veux-tu mourir ici ? Odette et Louis vont s'occuper de toi, mieux encore que si tu étais leur fils. Et puis ton père a raison. Nous n'avions rien prévu pour la suite, une fois que vous auriez été tous les trois. Il faudrait tout de suite vous faire passer en zone libre, et nous n'avons ni faux papiers ni Ausweis. » On serait resté ici, il y a de la place. Mais vous n'auriez pas été en sécurité ici. La Gestapo finira bien par faire un contrôle dans l'immeuble, comme elle fait partout. Alors pourquoi Louis a-t-il pris des Juifs pour les faire habiter au-dessus, tu veux me le dire? Mais ce n'est pas pareil, David. Louis leur offre une dernière chance, mais s'ils sont pris, tant pis. Louis entra à ce moment dans le salon. En l'apercevant, David pointa vers lui un doigt menaçant. « Toi, je ne t'aime plus !» Mais tu ne voulais tout de même pas qu'on les ramène de force? Bah si, justement. » Et là-dessus, il se précipita dans le couloir, courant vers sa chambre. Odette, qui avait assisté à la fin de la scène, leur lança. « Laissez, je m'en occupe. » Louis se laissa tomber dans le canapé, suivi par Léopold. Hans, qui jusque-là n'avait rien dit, conclut comme pour lui seul. « Il a raison, le gosse. Nous aurions dû les embarquer et discuter après. De toute façon, il se serait fait une raison. » Sans se concerter, ils avaient tous le sentiment d'un acte manqué. Car, à bien y réfléchir, le devoir n'est pas toujours celui qu'on croit. Ils n'auraient pas dû si facilement céder à Simon et Olga, qui s'étaient peut-être trompés. C'est cela que David leur reprochait. Dans le fond, Simon avait raison, son fils avait un grand sens du devoir, effectivement. Restés seuls au salon, Léopold et Hans avaient regagné leur appartement. Louis était là dans le canapé, mécontent de sa journée, des événements, des autres et surtout de lui-même. En fermant les yeux, il revoyait encore le regard d'Olga qui, comme autrefois, l'avait renvoyé vers son néant. Il éprouvait soudain un besoin irrépressible d'alcool, ce qui ne lui ressemblait pas. Il s'enfila un premier cognac, puis s'en resservit un autre qu'il allongea d'eau plate. « Tu bois ?» demanda Odette, surprise. « Bah oui, tu vois, j'ai envie. J'ai tellement de sujets de contentement qu'il faut que je fête ça. Vie de merde, médecine de merde, je suis un petit bourgeois, médiocre et inutile, à la tienne. » Odette ne prêta aucune attention à son propos et changea de sujet, comme s'il avait dit « cause toujours ». J'ai enfin réussi à le calmer, mais ça n'a pas été facile. Je veux bien le croire, pauvre gosse. Tu sais, à bien y réfléchir, c'est le gamin qui a raison. Je me demande si l'attitude de ses parents est de l'authentique charité. C'est peut-être une inconsciente vanité de vouloir passer pour des saints martyrs, afin de laisser une belle image à la postérité. Ouais, vu comme ça, ça fait réfléchir. Et David est encore dans le vrai. À quoi ça sert de les soigner? J'ai entendu dire qu'il libérait quelquefois des malades, raison de plus pour ne pas les remettre sur pied. Et la souffrance, ma pauvre, qu'est-ce que tu en fais de la souffrance? C'est cela qu'il soigne avant tout, quoi qu'il advienne. Bah, tu dois avoir raison, mais franchement, je ne sais pas. Je persiste à penser qu'ils auraient dû profiter de l'occasion de sortir du camp. Après, ils avaient mille façons de venir en aide à leur corps religionnaire. Ah oui? Eh bien, les Juifs que je vois venir en aide à leurs frères essaient de naviguer prudemment, en essayant de perdre le moins de plumes possible. Louis avait terminé son verre. Il n'avait même pas faim. Leur dialogue lui sembla totalement vain. Arrêtons de nous saouler de morale, de métaphysique et de blabla. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action, sans réfléchir, sans s'étendre. Tiens donc, et qu'est-ce que tu vas faire? Oui, madame. J'ai déjà commencé, d'ailleurs. Odette était bien trop fine pour lui demander à quoi il faisait allusion. Elle le connaissait et savait que ce n'était pas une rodomontade. Mais prudente, elle préféra pour l'instant ne rien savoir. « Je vais me coucher, » dit-il, « je suis crevé. »« Tu ne veux pas manger un morceau? J'ai des pommes de terre froides. »« Tiens-moi au moins compagnie, et pour David aussi. » Finalement, il passa à la cuisine pour lui faire plaisir. David s'attabla, lui glissa un regard en dessous. Pour clore l'histoire, Louis lui déclara « Filleul, je vais te dire une bonne chose. De nous tous, tu es celui qui a le plus de jugeote. Je crois sincèrement que malheureusement c'est toi qui avais raison. Nous n'avons pas su tirer parti de la situation. Comme quoi, tu vois, les adultes ont des fois des choses à apprendre des enfants. Dorénavant, je prendrai ton avis quand je douterai de mon jugement. Je suis très fier de toi, même si je sais que tu éprouves une grande peine. » Dans l'obscurité de la chambre, il sentit au petit mouvement d'Odette qu'elle ne dormait pas. Il repensa ce qu'il s'était dit dans la soirée, et bien sûr, à David. « Tu dors, ma chérie? Tu sais bien que non, » murmura-t-elle. « Dis au fait, c'est quand l'anniversaire de David? Il ne s'agirait pas qu'on le rate. Parce que ce serait le comble. Il est né quand, déjà? Il est né à 7 mois, juste la veille de notre mariage. » Louis se souvenait que Simon et Olga s'étaient mariés quelques jours seulement après s'être connus. Le coup de foudre, comme on en voit dans les films. Et 15 jours avant qu'ils se rencontrent, Olga était encore avec Louis. Elle lui avait présenté Odette, fille magnifique, douce, toujours partante pour tout ce qu'on voulait. Louis décida alors que c'était l'occasion jamais de faire une fin, et quelques mois plus tard, ils se marièrent. 7 mois. Louis n'avait pourtant pas le souvenir que David fût un bébé prématuré et souffreteux. Dans le silence et le noir, les paroles d'Odette prirent soudain un énorme poids. « Je suis gentil, mais pas complètement idiote. Je sais à quoi tu penses, Louis. »« Eh bien, tu ne te trompes pas. »« Comment je ne me trompe pas? Comment l'as-tu su? Tu veux me le dire ?»« C'est Olga qui me l'a dit, tout simplement. »« Elle m'a fait promettre de toujours garder le silence là-dessus. »« Mais maintenant, puisque c'était venu à l'esprit et que les choses sont différentes, il vaut mieux que tu le saches, voilà. »« Mais rien du tout. Tu vas te taire et continuer comme avant. »« Mais dans ta tête, ça doit changer bien des choses. » Tu comprends ce que j'ai pu ressentir quand tu as ramené David? C'est pour cela que tu désirais si ardemment qu'on libère ses parents? Absolument pas. J'ai dit vouloir qu'ils reprennent leur fils pour cacher ma joie de le savoir avec nous, pour donner le change. Mais maintenant, je peux te dire la vérité. Je suis heureuse de récupérer un fils tout fait, intelligent, de ton sang, et qui plus est non-juif. Tu pousses là, Odette. Moi, au moins, je suis franche. Peut-être, mais tu manques de délicatesse. « Redescends sur terre, mon chéri. Allez, bonne nuit, mon grand homme. »